الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا لونج تا ديو سينيور دي زونيفير خلق الارض وعمرها بالناس il a créé la terre et il l'a surpeuplée par les gens ثم قال لهم et par la suite il leur a dit يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا aux gens on vous a créé à partir d'un homme et d'une femme et on a fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez entre vous إن أكرمكم عند الله أتقاكم Les plus nobles d'entre vous auprès de Dieu sont vos plus pieux. إن الله عليم خبير Certes, Dieu est parfaitement sachant et bien informé. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux. عَلَّمَنَا أَهَمِّيَّةَ صِلَةَ الرَّحِيمِ Il nous a enseigné l'importance de renforcer les liens sacrés de la matrice ou bien les liens familiaux. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Le prophète prière et salut sur lui dit مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ Celui qui cherche une largesse dans la subsistance, وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ يُؤَخَّرَ لَهُ فِي عُمُرِهِ يَطُولْ عُمُرُهُ Et celui qui cherche aussi une largesse dans la durée de vie, فَلْيَصِلْ رَحِيمَهُ Il n'a qu'à renforcer les liens avec ses proches. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Unanimement authentique. صِلَةَ الرَّحِيمَ Renforcer les liens sacrés de la parenté, avec les parents, avec les proches, يساوي, ceci est égal à baraka fi rizq, une bénédiction dans la subsistance. Zaid baraka fi l'umur, plus une bénédiction dans la durée de vie. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-sadiq al-amin et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Qala lahu rajul, un homme lui dit: Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, inni ala safar, je vais voyager. Fad'u Allah li, fais des prières pour moi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et salut sur lui lui dit زودك الله التقوى que Dieu t'apporte comme provision la piété قال الرجل زدني يا رسول الله l'homme dit rajoute-moi encore plus au messager de Dieu ça veut dire une autre prière قال النبي صلى الله عليه وسلم il lui dit prière et salut sur lui وغفر ذنبك et qu'il te pardonne ton péché. قال الرجل زدني يا رسول الله l'homme dit rajoute-moi encore plus au messager de Dieu. قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète lui dit prière et salut sur lui ويسر لك الخير حيث كنت et qu'il te facilite le bien là où tu seras. رواه الإمام الترمذي والحاكم rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam al-Hakim سيدي أمير الأنبياء maître émir des prophètes صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève أما بعد après ceci أيها الإخوة والأخوات في الإسلام Mes frères et mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib al-Muhammadin al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana fi fasl al-sayf. On est maintenant dans la saison d'été. Wa qad safara al-ba'du ila biladihim al-asliyah. une partie des musulmans ont déjà voyagé vers leur pays d'origine. D'autres vont faire ou vont commencer ce voyage dans les jours ou les semaines à venir. Les ziyarat al-walidayn wal-aqarib, afin de rendre visite, afin de renforcer le lien familial avec les parents et les proches. Les silat al-rahim, afin de renforcer la matrice. التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم cette matrice familiale pour laquelle le prophète prière et saïsou lui a dit الرحم متعلقة بالعرش, la matrice est suspendue au trône. تقول, elle dit, من وصلني وصله الله, celui qui me renforce, que Dieu renforce les liens avec lui. ومن قطعني, et celui qui coupe avec moi, que Dieu coupe avec lui. Rawahu al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Fahada safar, ibada lillahi wa azza wa jal. Ce voyage est une adoration pour Dieu le Très-Haut. Wa ma'loumun anna safar mut'ibun jiddan. Et il est connu que le voyage est très fatigant. قال صلى الله عليه وسلم il dit prière et salut sur lui السفر قطعة من العذاب, le voyage est une partie de la souffrance. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه, il empêche à l'un de vous de dormir, de manger ou de boire. متفق عليه, unanimement authentique. فكل ما يلاقيه المسلم من تعب وعذاب, toute souffrance, toute fatigue que rencontre le musulman pendant son voyage في هذا السفر, وكل ما ينفقه من مال كثير, et tout ce que le musulman dépense comme argent ou comme grande somme d'argent pendant ce voyage, وكل ما يبذله من جهد كبير, et tous les efforts, tous les grands efforts fournis par le musulman pendant ce voyage, عبادة لله, tout cela constitue une adoration pour Dieu. مغفرة للذنوب, une absolution des péchés. أجر عند الله, un salaire auprès de Dieu. بكل خطوة حسنة, avec chaque pas, d'ici jusqu'à là-bas, avec chaque pas, une bienfaisance, une حسنة. وبكل سنتيم حسنة, et avec chaque centime une bienfaisance حسنة. فهنيئا لكم أيها الإخوة والأخوات المسافرون. Donc félicitations à vous tous frères ou sœurs qui vont voyager ou ceux qui ont voyagé. وبعد العطلة الصيفية, et après les vacances d'été, هناك من يعود إلى فرنسا أو إلى أوروبا, il y en a celui qui revient vers la France ou vers l'Europe. وربه راض عنه, et son Seigneur est totalement satisfait de lui. أبواب الجنة مفتحة له, les portes du paradis ouvertes devant lui. لأنه كان في عبادة عظيمة, parce qu'il revenait d'une grande adoration. وهناك من يعود, et il y en a celui qui revient, وربه غاضب عليه, et son Seigneur est très fâché de lui. وأبواب جهنم مفتحة له, et les portes de l'enfer sont bien ouvertes pour lui. لأنه كان غارقا في المعاصي طوال العطلة, parce qu'il était bien noyé dans la désobéissance pendant toutes ses vacances. لم يبقى مع والديه إلا لحظات, il n'est resté auprès de ses parents que quelques instants. وربما لم يزر عائلته, peut-être il n'a même pas cherché à visiter la famille. فضل الفساد, il a préféré la corruption. Il a gaspillé l'argent d'une année dans les interdits, dans les vins ou les alcools, les femmes, les soirées, les plages, etc. يقول الله تعالى وتبارك لهذا النوع من البشر, Dieu le Très-Haut dit à ce type d'homme, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم, Mais qui sait, si vous vous détournez, si vous voyagez, vous n'allez pas semer la corruption sur terre et rompre les liens sacrés de la parenté. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. Ce sont ceux-là que Dieu a maudits. Il les a alors rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, l'islam لا يعرف العطلة. بالمفهوم الشائع اليوم, l'islam n'approuve pas les vacances selon le sens répandu aujourd'hui. لا يعرف تبذير الأموال, l'islam n'approuve pas le gaspillage de l'argent. لا يعرف تضييع الوقت, l'islam n'approuve pas la perte du temps. لأنك لما تقف أمام الله, parce que lorsque tu t'arrêtes devant Dieu, سيسألك عن مالك من أين اكتسبته. Il va t'interroger à propos de ton argent. Comment l'as-tu gagné et dans quel domaine tu l'as dépensé? Il va t'interroger à propos de ton temps. Dans quel domaine tu l'as gaspillé ou l'as perdu ou l'as passé? Méfie-toi de lui dire, je l'ai perdu dans les cafés, je l'ai passé dans les cafés, fil barat, dans les bars, fil la'ib al-haram, dans les jeux interdits, fil saharat al-raqs, ma'an-nisa, dans les boîtes de danse avec les femmes, fil shawabi ma'al-hurat, sur les plages à côté des nus ou des femmes ou hommes nus, fa'inna al-mala'ika. Parce que si tu donnes cette réponse, les anges vont te prendre directement vers la GN. Akhi, ukhti, frère, sœur, fil utla, idha kana nas yazuruna shawati ad-dunya, fazur shati ad-din. Pendant les vacances, si des gens visitent les plages de la vie ici-bas, essaie de visiter les plages de cette grande religion. أنفق مالك في سبيل الله, dépense ton argent dans la pour Dieu. امضي وقتك في القرب من الله, passe le temps libre que tu as dans la proximité de Dieu. اقرأ كتابه, lis son livre, au moins une fois lis son livre. اذهب الى بيتي, visite sa maison. تعلم دينه, انت واولادك, apprends sa religion, toi et tes enfants. ايها الاخوه, بما أن السفر عبادة, comme le voyage est une adoration, أحب اليوم أن أتكلم عنه, raison pour laquelle j'aime aujourd'hui aborder ce thème, le voyage. السفر في الإسلام نوعان, le voyage existe sous deux formes en islam. سفر صغير وسفر كبير, un petit voyage et un grand voyage. Et je commence par le petit. قال عنه الله, à propos du petit, Dieu dit dans un verset coranique, والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. C'est lui qui a rendu pour vous la terre humblement soumise. Parcourez donc ses coins et ses recoins et mangez de ses biens. والسفر الصغير نوعان. Et le petit voyage existe aussi sous deux formes. Safar ta'a wa safar ma'siyah. Un voyage d'obéissance et un autre de désobéissance. Safar ta'a yurafiquka fihi malak. Turafiquka fihi al-mala'ika. Le voyage d'obéissance, pendant ce voyage, tu seras accompagné par un ange ou même par des anges. Wa safar al-ma'siyah. يرافقك فيه شيطان من الشياطين. Et dans l'autre voyage, ça veut dire de la désobéissance, tu seras accompagné par un Satan, par plusieurs. وأتساءل ماذا نفعل قبل بداية السفر. Et je m'interroge, que devons-nous faire juste après le voyage, avant le voyage. الجواب ركعتان لله تعالى وتبارك. La réponse, deux unités de prière avant le voyage. Deux unités de prière pour Dieu subhanahu wa ta'ala. لِيَحْفَظَ اللَّهُ أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ وَمَالَكَ. Afin que Dieu préserve pour toi ta famille, ta fortune et tes enfants. وأتساءل ما هو التأمين الذي يجب استعماله قبل السفر. ما هو تأمين السفر؟ Et je m'interroge, quelle est l'assurance du voyage? Comment assurer ses biens et sa personne pendant le voyage? الجواب أن تقول, la réponse de dire au début du voyage, Bismillah, au nom de Dieu. Ce voyage est pour Dieu. Rien que pour Dieu et pas pour autre chose. Bismillah, au nom de Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu est très grand et tu la répètes trois fois. Subhanalladhi sakhara lana hada. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Gloire et pureté à celui qui nous a soumis ceci, ça veut dire ce moyen de transport, et on était incapable à le rendre soumis sans son aide. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Et certes, c'est à notre Seigneur que sera fait notre retour. فالإسلام يعلمك قبل أن تركب السيارة أو الطائرة أو الباخرة. L'islam t'apprend, mon frère ou ma sœur, avant que tu montes en voiture, ou bien en avion, ou bien sur le bateau, أن تذكر ربك, أن تتذكر نعمته عليك, que tu te rappelles avant ceci de ton Seigneur, tu te rappelles de sa grande grâce, de ses grands bienfaits sur toi. ثم تقول, et après tu dis, اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. Ô notre Seigneur, on te demande dans notre voyage-ci la charité et la bienfaisance, la piété, et parmi les œuvres ce que tu agrées. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. Ô notre Seigneur, facilite-nous notre voyage-ci et raccourcis pour nous ces longues distances. Allahumma, ma ajmalahu min kalam, Allahumma, anta sahib. Ya Rab, anta sahib fi safar, wal khalifatu fil ahl. Ô Seigneur, c'est toi le compagnon de route. Et c'est toi le remplaçant, celui qui va veiller sur mes biens pendant mon absence. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalab. Ô mon Seigneur, je demande ta protection contre les difficultés du voyage, contre l'aspect désagréable du voyage et contre les mauvaises surprises ou la mauvaise fin de ce voyage. Fil mali wal al, et ceci dans mes biens et dans ma famille. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wa ghayruhum. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, par l'imam al-Tirmidhi et par d'autres. Wa fil rujou, lama tantahi min safar at-ta'a, taqul nafs ad-du'a wa tudif. Et pendant le retour, une fois tu as fini ton voyage d'adoration, d'obéissance à Dieu, tu dis les mêmes paroles et tu rajoutes cette formule. Aïboun, ta'iboun, عابدون لربنا حامدون. Revenons de notre voyage, repentis à Dieu, adorons notre Seigneur et le remercions. من قال هذا قبل السفر. Celui qui prononce cette formule d'invocation de prière juste avant le voyage, كان الله معه. Dieu sera avec lui pendant tout le voyage. ومن كان الله معه لن يضره شيء. فَهَذَا أَحْسَنْ تَأْمِينَ. Et celui qui sera accompagné par Dieu, aucune chose ne peut lui nuire. فَهَذَا أَحْسَنْ تَأْمِينَ. Donc il s'agit de la meilleure assurance. ثُمَّ دُعُوا اللَّهَ بِمَا شِئْتَ فَإِنَّ دُعَاءَ الْمُسَافِرْ مُسْتَجَابٍ. Et par la suite, invoque ou prie Dieu par n'importe quelle formule, parce que les invocations, les prières du voyageur sont exaucées, comme l'a dit le prophète, prière et salut sur lui, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ra'aita ya akhi wa ya ukhti, kayfa anna safar ibada. As-tu vu, mon frère ou ma sœur, comment le voyage est une grande adoration? Fa'iyyak an tubtila hadhihi al-ibada bima yughdhib Allah. Méfie-toi, frère ou sœur, d'annuler cette adoration du voyage par des choses qui déplaisent à Dieu, qui fâchent Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa amur ila safar al-kabir. Et maintenant je passe vers le grand voyage. Al-safar al-kabir huwa al-maut. le grand voyage n'est que la mort. هو السفر إلى الله. C'est le voyage définitif vers Dieu. فالحياة كلها سفر إلى الله. La vie entière n'est qu'un voyage vers Dieu. أخي أختي frère, sœur, ها هي سنة من العمل أو من الدراسة قد انتهت. Voici une année entière de travail ou d'études qui a pris fin. ونهايتها يجب أن تذكرنا نهايتنا. Et la fin de cette année scolaire, si vous voulez, doit nous faire rappeler notre propre fin. فَكُلَّمَا رَأَيْتَ نِهَايَةَ شَيْءٍ فَتَذَكَّرْ نِهَايَتَكَ. À chaque fois que tu repères, que tu vois la fin d'une chose, rappelle-toi à ce moment-là de ta propre fin. تَذَكَّرْ مَوْتَكَ. Rappelle-toi de ta mort. تَذَكَّرْ قَبْرَكَ. Rappelle-toi de ta tombe. تَذَكَّرْ وُقُوفَكَ أَمَامَ اللَّهِ. Rappelle-toi de ton arrêt devant Dieu. فَكُلُّ مَا تَرَاهُ حَوْلَكَ فِي حَيَاتِكَ. Toute chose que tu vois autour de toi dans ta vie, جَعَلَهُ اللَّهُ لَكَ لِتَتَذَكَّرَ رَبَّكَ. Ces choses ont été créées par Dieu autour de toi afin que tu te rappelles grâce à ces choses de Dieu. لَا لِتَنْسَى. Et non pas d'oublier Dieu à cause de ces choses. وَهَكَذَا فَالسَّفَرَ الصَّغِيرُ يُذَكِّرُكَ بِالسَّفَرَ الْكَبِيرُ. Ainsi le petit voyage te fait rappeler le grand voyage. السَّفَرَ الْقَصِيرُ يُذَكِّرُكَ بِالسَّفَرَ الطَّوِيلُ. Le court voyage te fait rappeler le long voyage. فَإِنَّنَا نَقُولُ فِي بِدَايَةِ السَّفَرَ الصَّغِيرُ. On dit tous au début du petit voyage وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Et c'est à notre Seigneur que sera fait notre retour. لِنَتَذَكَّرْ السَّفَرَ الْكَبِيرِ إِلَى اللَّهِ. Afin qu'on se rappelle du grand voyage vers Dieu, le voyage du retour. أخي أختي frère, sœur, في السفر الصغير إنك ترجع بإذن الله إلى بيتك وإلى عائلتك. Dans le petit voyage, tu reviens, si Dieu le veut, vers ta demeure ici, ou vers ta famille d'ici. فكيف ستفعل في السفر الكبير. Comment vas-tu faire dans le grand voyage. سفر من غير رجوع. Un voyage sans retour. أخي أختي frère, sœur, ستسافر إلى بلادك الأصلية. وأنت حي إن شاء الله. Tu vas voyager d'ici quelques jours ou quelques semaines vers ton pays d'origine en étant vivant, si Dieu le veut. تذكر يوم تسافر إليها ميتا في الصندوق. Pense au jour où tu vas voyager vers ce pays d'origine, non pas en tant que vivant, mais en tant que mort dans un cercueil. اليوم تتلقاك بعد السفر العائلة بالضحك والزغاريد. Aujourd'hui, la famille après le voyage vont t'accueillir avec le rire et avec les yo-yo. فتذكر يوم تتلقاك بالحزن والدموع. Rappelle-toi du jour où ils vont t'accueillir mais avec un deuil, avec des larmes. أخي أختي frère, sœur. اليوم إنك تستعد أسابيع وشهور للسفر الصغير. Aujourd'hui, tu te prépares pendant des semaines, des mois pour le petit voyage. فكيف هو استعدادك للسفر الكبير. Comment est-elle ta préparation pour le long voyage. أخي أختي frère et sœur. اليوم إنك تأخذ معك الزاد وبطاقة البنك. الزاد للسفر الصغير. Aujourd'hui, tu prends avec toi les provisions pour le voyage, la carte bancaire et le reste. فهل معك زاد للسفر الكبير. As-tu des provisions pour le grand voyage. وزاد السفر الكبير هو التقوى. Et la provision pour le long voyage n'est que la piété et la crainte de Dieu dans cette vie ici-bas. أخي أختي frère, sœur. السفر الكبير ممكن أن يبدأ في أي لحظة. Le grand voyage peut commencer, peut démarrer à n'importe quel instant. بأمر من الله. Après un ordre divin. هل أنت مستعد. أتم الاستعداد. Es-tu prêt à 100%. أم هل ستقول أمام السفر الكبير. Ou bien vas-tu dire devant le grand voyage. أمام الموت. Juste avant la mort. كما قالت الآية. Comme le verset l'a dit. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Seigneur, si tu me donnais un court sursis afin que je fasse l'aumône et afin que je fasse partie des vertueux, bima'na ya rabbana ghayr musta'id. Ça veut dire, tu dis ou tu diras, oh Seigneur, je ne suis pas prêt pour le grand voyage, juste avant la mort. فَإِنَّ الْجَوَابِ يُوجَدْ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ. La réponse réside dans le verset suivant. وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jamais Dieu ne donne de sursis à une âme quand son heure est venue. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع لآثاره وسنته واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, سأقدم أو سأذكر ببعض التوصيات لمن سيسافر عن طريق السيارة. Je vais rappeler ou je vais formuler ou je vais présenter quelques recommandations pour celui qui va voyager grâce à un véhicule, à une voiture. Premièrement, la tansa ar-raha wa an-nawm. N'oublie pas le repos et le sommeil fi tariq as-safar, dans la route du voyage. Fa al-insan yurid an yasif إلى بلاده في أقرب وقت. L'individu cherche à arriver à destination dans les meilleurs délais, dans les plus brefs délais. ولهذا يحذف وقت الراحة والنوم أو يقصر ذلك الوقت. Raison pour laquelle il élimine le temps du repos ou du sommeil, ou bien il raccourcit le temps réservé pour le sommeil et le repos. ويحرم عائلته وصغاره من الراحة واللعب. Et il prive ainsi sa famille, ses petits, du repos et du jeu. فيصير السفر شيئا كريها عند كل العائلة. Ainsi le voyage devient une chose détestable, détestée pour tous les membres de la famille. هناك من يقضي السفر في 24 ساعة. Il y a des gens qui finissent le voyage d'ici à là-bas en 24 heures. لا يقف ولا ينام. Il ne s'arrête pas, il ne dort pas. هذه حماقة. Il s'agit d'une folie. هناك من يسوق سيارته 130 km في الساعة أو أكثر وعينه مسدودة. Il y a celui qui conduit son véhicule à 130 km à l'heure ou plus avec les yeux fermés. 130 km et les yeux fermés. وكل العائلة نائمة. Et toute la famille est endormie. يسوق وهو نائم. Il conduit en dormant. هذا حرام. Il s'agit de quelque chose de haram. Interdit. هذا انتحار. Il s'agit d'un suicide. هذه جريمة في الإسلام. Il s'agit d'un crime en islam. أكثر الحوادث القاتلة سببها عدم النوم. La majorité des accidents mortels ont pour cause le manque de sommeil et de repos. Deuxièmement, احترم قانون السير. Mon frère, respecte le code de la route. إن لم ترى البوليس. Si tu ne vois pas dans la route la police. إن لم ترى الرادار. Si tu ne vois pas le radar ou les radars. فاعلم بأن الله يراك. Sache que Dieu te voit. مخالفة قانون السير معصية لله تعالى وتبارك. Le non-respect du code de la route est un péché, est un grand péché, est une grande désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. مثلاً، je donne un exemple. من لا يقف عند علامة الوقوف، celui qui ne s'arrête pas à côté du signal de stop. من لا يقف عند الضوء الأحمر، celui qui ne s'arrête pas lorsque le feu est rouge. من يتعدى السرعة المحددة، celui qui dépasse la vitesse limitée, إلى آخره، etc. هذا عاصٍ لله. Il s'agit là d'un désobéissant à Dieu. Parce qu'il expose sa propre personne et les autres au danger. Parce qu'il ne respecte pas un code universel pour la route. Dans le cas où il cause la mort de quelques gens, عمداً volontairement intentionnellement لأنه لا يحترم القانون عمداً parce qu'il ne respecte pas le code de la route exprès volontairement فسيلقى الله يوم القيامة وهو قاتل il va rencontrer Dieu le jour de la résurrection en tant que tueur criminel جريمة كبرى في الإسلام un grand crime en islam جهنم وبيس المصير la gêne et quelle mauvaise destination ثالثا troisièmement لا تنسى النظافة في السفر n'oublie pas la propreté dans le voyage أي مكان وقفت فيه اتركه نظيفا là où tu t'arrêtes laisse ton droit propre فالنظافة من الإيمان la propreté provient de la foi est une filière de la foi. وعدم النظافة عدم النظافة دليل على عدم الإيمان. Et le manque de propreté est un signe, est une preuve du manque de foi ou de la faiblesse de la foi. تدخل إلى المرحاض في السفر. Tu entres au WC dans le voyage. فتجد المياه في كل مكان. Tu trouves l'eau partout. والأوساخ في كل مكان les saletés partout فتقول سبحان الله et tu dis gloire et pureté à Dieu كانت هنا حيوانات أم بشر il y avait avant moi dans ces toilettes des animaux ou des humains وكل واحد يلعن من فعل هذا et toute personne maudit la personne qui a été la cause de ces saletés اللعنة تنزل على المتسبب les malédictions descendent ou tombent sur la cause ou celui qui était la cause de ces saletés il a darajat annahu fi ba'd al amakin mana'u al wudu'a fi dawrat al miyah jusqu'au point à cause de ces grandes saletés causées par ces voyageurs en grande partie musulmans ils ont interdit dans quelques lieux dans quelques salles d'eau à quelques lieux sur les autoroutes ils ont interdit l'absolution, de faire les absolutions. منعوا الوضوء في بعض الأماكن وفهموا أن المسلم سبب في الأوساخ. Ils ont compris que le musulman cause des saletés, est une cause des saletés. أخي أختي, frère, sœur, إنك مسؤول أمام الله عن صورة المسلم السيئة التي تعطي لله. Certes, frère ou sœur, tu es responsable devant Dieu de la mauvaise image du musulman que tu donnes aux gens. Rabi'an, quatrièmement, hawil an tufriha awladak fil utla fi biladik al-asliya. Essaye, mon frère, de rendre tes enfants joyeux, heureux, dans ton pays d'origine. Hatta yuhibbu aslahum. Ainsi, tes enfants vont aimer leurs racines. La taj'al min al-utla sijnan lahum. Ne fais pas des vacances une prison pour eux. Combien est le nombre de jeunes aujourd'hui qui refusent le voyage vers les pays d'origine? Parce qu'ils refusent la prison. Et la fille reste seule ou avec ses frères ici. En septembre, تظهر علامة الحمل. Et au mois de septembre, apparaît sur la fille les signes de la grossesse. Essayez de faire des distractions pour les enfants et la femme, bien sûr dans les domaines du halal. Et tout ce que tu vas dépenser pour rendre joyeux tes enfants est une aumône. Khamisan, la takun akhi ukhti. La takun da'if al-shakhsiyya. Frère ou sœur, n'aie pas une faible personnalité. Ne sois pas un être faible. Tata'attar bi kulli ma tasma', un être qui se laisse influencer par tout ce qu'il entend. Fa inna al-jahla sayadfa'u rubbama unasan min 'a'ilatik أن يقول السوء عن زوجتك أو عن زوجك. Peut-être, qui sait, quelques membres de ta famille, poussés par l'ignorance et l'injustice, vont dire du mal de ton mari ou de ta femme. ومع الأسف رغم أن الزوج يعرف صلاح زوجته أو رغم أن المرأة تعرف صلاح زوجها. Et malheureusement, malgré que le mari connaît la vertu de sa femme ou la femme connaissait la vertu de son mari, ينسوا ذلك, ils oublient cela. ويتأثروا بكلام الأقارب, et ils se laissent influencer par les paroles des proches. وتنقلب العطلة إلى حرب تنتهي بهدم الزواج. Et les vacances se transforment en une guerre qui finit, qui détruit le mariage. Aqulu lak akhi ukhti, je te dis frère ou sœur, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, nulle désobéissance ou nulle obéissance à toute créature dans la désobéissance au créateur. Wa law kanat ummuk, même s'il s'agit de ta maman qui te dit cela. فقل لها, dis à ta maman, بكل ادب وجد, avec grande politesse et grand sérieux, يا ام الحبيب, ô chère mère, اطيعك في كل الميادين الا في هذا الميدان. Ô chère mère, je te donne obéissance dans tous les domaines à part celui-ci. La tadkhuli bayni wa bayn zawjati, n'entre pas dans le cercle fermé entre moi et ma femme. Fala ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, parce que nulle obéissance à n'importe quelle créature dans la désobéissance au créateur. Fal insanu al-hakim huwa alladhi yastati'u jalb as-sa'adati lahu wa li afradi 'a'ilatihi wa yudfi'u kull niran al-fitna. L'homme sage est celui qui est capable d'apporter le bonheur pour lui, pour les membres de sa famille, et d'éteindre tous les feux de la discorde autour de lui. Ce bonheur dans le monde ici-bas te fait rappeler le bonheur qui t'attend dans l'au-delà. Et à la fin je dis, al-utla la ta'ni utla 'an al-ibada kama hiya utla 'an al-'amal. Les vacances ne signifient pas un arrêt de l'adoration, parce qu'on pense, parce que les vacances signifient un arrêt du travail. La tansa ibadat Allah liannak fi utla, n'oublie pas frère ou sœur l'adoration de Dieu parce que tu es dans des vacances. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, fa idha faraghta fansab, fa idha faraghta min umuri ad-dunya, fa idha faraghta min wajibati ad-dunya fansab amama Allah, faqif amama Allah wajtahid fil ibada, fa idha faraghta fansab. Quand tu te libères, ça veut dire de tes obligations, lève-toi, ça veut dire et fournis des efforts dans l'adoration. Wa ila rabbika farghab, et dirige-toi sincèrement à ton Seigneur. Wa innana al-an fi shahri rajab, et actuellement on est dans le mois de Rajab. شهر من الأشهر الحرم, un mois parmi les mois, les quatre mois sacrés, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja wa Shahr al Haram. Ces mois sacrés qui sont le mois de Rajab, celui-ci, le mois de Dhul Qa'da qui précède le mois du pèlerinage, et le mois du pèlerinage, et à la fin le mois sacré qui débute l'année lunaire. Wa ahsan ibada fi hadha al-shahr, et la meilleure adoration dans ce mois, as-siyam, le jeûne, pour se préparer au mois de Ramadan. والصيام حسب القدرة, et le jeûne selon la capacité de chacun de nous, un jour, deux, trois, ce que tu peux. يوم, يومين, ثلاثة, أكثر, أقل,